dire où tu pars ça. Tu racontes quoi à part ça. Au quartier ça a tiré. Ouais, je l'ai vu dans la Provence. Tout le réseau est tombé. C'est vrai, y'a trop de ballons. N'allez pas parler au comté. Maintenant y'a plus personne qui t'avance. Y'a les poissons dans le cul, dans le cul. J'suis passé au drive, il est des assises. J'ai pas le temps, j'ai passé la sixième. Des trucs qu'on m'a montré, mais ça je l'ai appris. Sur ma chaise, je frappe le tête. J'fais mon pétoir à la banaliser. Au début, j'avais pas réalisé. Pensais que c'était facile, j'ai pas tout analysé. T'inquiète, y'a mon pote qui arrive. Il te fallait combien la mif. C'est pour les poumons ou les narines. Qu'est-ce que tu en fous, tu connais le tarif. T'inquiète, y'a mon pote qui arrive. Il te fallait combien la mif. C'est pour les poumons ou les narines. Qu'est-ce que tu en fous, tu connais le tarif. Petit Gina, oh du Barça. Tu racontes quoi à part ça. Au quartier ça a tiré. Ouais, je l'ai vu dans la Provence. Tout le réseau est tendré. C'est vrai, y'a trop de balance. Fallait pas parler au Condé. Maintenant y'a plus personne qui t'avance. Y'a Khalil, Kanda, YL. Y'a Hamido, Belou et Kangou. J'suis pété la beauté de Jack. Le moteur il souffle, je lui mets des à-coups. Devant la mer, un oasis fait tout. J'ai vu passer deux mecs, ils étaient trop chelous. Dans la vie y'a les moutons, y'a les loups. Ils te font les blédés, en vrai y'a ouais loup. Des fois j'suis trop en fumette. J'ai les yeux rouges, mais les carreras. Ils m'ont pisté au feu rouge. Heureusement que j'avais rien sur moi. Tes embrouilles, on voit là, on veut tu. Ta chef, il te tue, c'est comme ça la rue. On passe moi le pétard, je l'allume. Ce soir j'gamberge, j'me faut de la thune. Petit Gina, oh du Barça. Tu racontes quoi à part ça. Au quartier ça a tiré. Ouais, j'l'ai vu dans la Provence. Tout le réseau est tendré. C'est vrai, y'a trop de balance. Fallait pas parler au Condé. Maintenant y'a plus personne qui t'avance. Y'a des balances et des putes qui donnent. Y'a des charbonneurs poursuites, ça qui donne. Il a pas un, il parle de la donne. Tu connais le coup, c'est si ça m'y donne. En caleçon, elle chauffe la madone. Quand ça sent le shit, elle fait sa madone. En cellule, ça écoute du nap. Le poteau et moi, j'fais péter pochon bleu. Vous pensez, j'excite du rohem. Faut que j'oublie un peu, vas-y, donne la bleue. J'étais tout à l'heure, j'ai chez Neuf. T'inquiète, la cause, y'avait rien pour toi. Le shit, il me fait trop chez Neuf. Quand je le roule, il colle sur les doigts. Petit Gina, oh, tu pars ça. Tu racontes quoi à part ça.